Le comte Mosca commence à s'intéresser vivement à la comtesse Pietranera et lui confie que le prince de Parme, Ranucci Ernest IV, si brave à la guerre, a maintenant peur de tout et a besoin de lui pour conjurer ses craintes. Il passe beaucoup de temps avec la comtesse et, à la suite de plusieurs petits incidents, dont le récit semblerait long peut-être, le comte Mosca est absolument fou d'amour. La comtesse pense déjà que l'âge ne devait pas faire objection, et d'ailleurs, on le trouve aimable. Cependant, Mosca est rappelé à Parme et prend l'habitude de correspondre avec la comtesse, qui prend grand plaisir à cet échange épistolaire. Elle hésite à accepter que Mosca donne sa démission et vive avec elle une vie aisée à Milan. Cependant, le comte propose à la comtesse Pietranera d'épouser le comte Sanseverina, immensément riche, mais qui souffre de n'être pas d'extraction assez noble. Une fois mariée, son mari fait ambassadeur et obtenant le cordon qu'il vise, la comtesse serait libre et ne le reverrait plus jamais, occupant à Parme son palais, un des plus magnifiques de la ville. Elle accepte l'arrangement et 3 mois après le mariage, la duchesse Gina Sanseverina a conquis la ville. Présentée au prince et à la princesse, ainsi qu'à leur fils, elle remporte un grand succès, tout comme auprès de l'aristocratie parmesane. Elle donne même une soirée en l'honneur de Clélia, qui a un grand retentissement. Tout souriait à la duchesse. Elle s'amusait de cette existence de cour, où la tempête est toujours à craindre. Il lui semblait recommencer la vie. Le comte Mosca, voyant que la duchesse s'inquiète du sort de Fabrice, propose à sa maîtresse de faire venir à Parme le jeune homme qui entamerait alors une carrière pour être évêque. Ayant retrouvé son neveu à Plaisance, la duchesse fait état de la proposition de Mosca que Fabrice accepte, refusant d'être un riche oisif courant les femmes et les cafés. Il part donc à l'Académie ecclésiastique de Naples où il est regardé comme un grand seigneur appliqué, fort généreux, mais un peu libertin. Pendant ce temps, le comte Mosca manque plusieurs fois d'être destitué, mais s'en sort bien, malgré et grâce à Gina, qui s'amuse et joue de toutes les intrigues de la cour de Parme, toujours passionnée pour quelque chose, jamais oisive, qui a plus d'esprit que toute la cour de Parme. Mais elle manque de patience et d'impassibilité pour réussir dans les intrigues.